Cette eau qui se trouble, de mon sang qui s'endort. Ce besoin d'être ailleurs, qui s'enfuit goutte à goutte, les mains jointes à mon cœur, pour ne pas qu'il se doute. Je sais ce que je perds, enfin on me le prend. Qu'il est doux d'être fier et de baigner dans son sang. Et ma peau qui s'applique à nourrir sa douleur, pour colorer de rouge ce liquide où je meurs. Ce corps qui se tâche s'en tenir amer, quand on s'en détache pour rejoindre la mer. Me voici dans le noir, je ne vois plus mon corps couler dans la baignoire, car enfin je suis mort.